Le Forum allemand anti-impérialiste et l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun ont publié respectivement les 5 et 6 courants une déclaration contre les manœuvres scélérates de sanctions et de suppression anti-nord-coréenne des forces hostiles apeurées par les succès éclatants successifs de l'industrie de guerre autodéfensive de notre pays.